Ouais, ouais, yo. J'aimerais savoir à quelle école faudrait que j'aille pour apprendre l'histoire de Blackman dans tous ses détails. C'est triste à dire au nom, on parle de l'esclave dans nos textes. Ça sous la tête des gars qu'on prétexte. Tu connais quoi ton passé, Renoir, rien ou presque. Et ça se dit Renoir, perds pas tes racines, fais pas le crapaud. Mes voix fait grand français, je brûle leur drapeau. Tu sais, je me sens pas assez franc et c'est pas pourrir. Ouais, notre histoire à nous, ils la laissent pourrir. Chez, ils ont pris le temps avant d'admettre crime contre l'humanité. 150 ans considérés comme une banalité. Trop de frères morts pour la cause black. Faut que demain mes gosses dehors de cause black. Respect pour les frères et sœurs africains. Yo, y'aurait pas de couleur en fréquin. Tu comprends pas, je suis à fond pour mes ancêtres. Cousins, foule son à fond dans tes enceintes. Yo. Le racisme, mon combat. L'injustice, mon combat. L'exclusion, mon combat. Ma famille, mon combat. La musique, bavure policière, mon avenir, mon combat. La famille, mon combat. Mes racines, mon combat. Dans la vie, les gens sont obscènes. On te met des barres, y'a beaucoup de pensées malsaines. Mon frère, quand je te dis, je suis vert, je te dis, j'ai la haine. Vas-y, prends ça au sérieux, je suis de ceux qui harcèlent. Ça fait longtemps qu'on essaie de me freiner. Vu que je m'en bats les couilles, on a foutu, j'enchaîne. Vu que mes phases gênent, j'ai des rap génies, on me démerde comme un génie. À me voir saine, on dit putain d'essence gêne. Pourtant, j'ai pas de gueule, juste ma grande gueule. On veut stopper lieu de couper son oxygène. Beaucoup de très yeux, dès qu'ils le peuvent, ils dégainent. Entouré de yéguyéna, yeah, j'ai vu ma route, laisse-moi la faire, man. 42 speed, laisse-moi la faire toute la semaine. J'y mets mon corps, ma vie, ma face, tout pour que ça tienne. Ma musique et mon combat, qu'ils aillent se faire ken. Ma musique, mon combat, l'injustice, mon combat, mes bifetons, mon combat, ma famille, mon combat, la misère, bavère policière, mon avenir, mon combat, mon salaire, mon combat, la belle life, mon combat. C'est la mouise dans tous les coins de rue. Me parle pas d'issu, tous les yeux t'es déçu, accablé d'insultes, le système t'incite à péter un câble, à se porter dans le shit, à faire des équipes pour péter les briques, à faire le mal vu. Sans maille, on s'emmerde, j'en mets, on s'emmerde. Que des blèmes s'emmêlent. Pas de tir de crime quand tes huissiers s'emmêlent. Les galères, la personne qui te forme comme R, S, M, I, C. Dans ta fâche, quand ta mort sera la merde, tu sais. La belle vie, les cons va. La grosse pierre, la grosse classe, la grosse caisse. Apparemment, c'est pas nos places. Nous, on nous classe comme des gros chiens de la classe. En attendant que ça se passe, c'est toujours le même combat. Mon combat, la justice, mon combat, mes pistons, mon combat, ma famille, mon combat, la misère, ma vie policière, mon avenir, mon combat, mon salaire, mon combat, la belle life, mon combat, le racisme, mon combat, l'injustice, mon combat, l'exclusion, mon combat, ma famille, mon combat, la musique, ma vie policière, mon avenir, mon combat, la famille, mon combat, mes racines, mon combat. Yo, yo, major,